Chapitre 11e. Armande, Marguerite. La tempête souffla pendant toute la nuit. Les nuages avaient crevé et la pluie s'était mise à tomber à flots. Parfois un coup de tonnerre paraissait arrêter ces torrents d'eau. Durant quelques secondes, on n'entendait plus que les déchirements et les roulements de la foudre. Puis les ondées, presque aussitôt, reprenaient plus fortes, plus précipitées, plus battantes. Les girouettes criaient sur leurs tiges de fer. Les branches et les feuilles, arrachées des arbres, venaient frapper contre les volets. La vieille maison, secouée par la bourrasque qui se ruait sur elle, tremblait jusque dans ses fondations, et fenêtres, cheminées et portes craquaient avec des bruits sinistres. Entrés dans les corridors, le vent les parcourait dans tous les sens, sifflant dans les fentes, hurlant dans les chambranles, glissant le long des murailles, rampant sur les dalles, se heurtant au plafond, s'engouffrant dans les escaliers, courant, serpentant, tourbillonnant. Au loin, sans interruption et par-dessus tous les autres, on entendait le grand bruit de la mer. Cependant Maurice, couché dans son lit, éprouvait un calme plein de douceur, et bercé par la tempête, il pensait à Armande. Parfois, s'endormant à demi, il se retrouvait au milieu de la passe de Goé, il entendait les rafales, il sentait le tangage, il voyait les récifs, puis, réveillé en sursaut par un coup de tonnerre, il revenait à la réalité. Quelques heures avant que le soleil parût, le vent se calma, et quand une lueur blanche commença à glisser à travers les fenêtres, la pluie, qui n'était déjà plus qu'une légère bruine, cessa tout à fait. Alors, Maurice, qu'agitait cette fièvre et cette impatience que donne une trop grande joie, se leva, et quoiqu'il fît à peine jour, il passa dans la chambre de Martel. « Qu'est-ce qu'il y a ? » fit celui-ci en entendant ouvrir sa porte. « Nous chavirons ? » « C'est moi qui viens voir comment tu vas, » répondit Maurice en riant. « Pas trop mal. Seulement, tout en dormant, il me semblait que mon lit roulait. Et quand j'ouvrais les yeux, le plafond se haussait et se baissait au-dessus de ma tête. « Est-ce que tu viens me chercher ?»« Non, mon ami. » « À la bonne heure, car je te préviens que je n'y retourne pas. Si tu tiens toujours à ton coucher de soleil, nous verrons sur la terre ferme. Je te remercie, je n'y tiens plus. Tu renonces à ton projet ? Au contraire, mais j'ai réussi sans tableau. Alors laisse-moi dormir. Adieu. Tu dois comprendre que je ne suis pas venu t'éveiller à 4 heures du matin pour le plaisir de troubler ton sommeil. J'ai à te parler. Tout de suite ? Tout de suite. Je t'écoute, parle. Eh bien, mon ami, continua Maurice avec un certain embarras. Tu te souviens peut-être que j'avais une demande à faire au docteur. Parfaitement. Cette demande est faite. Tant mieux. Il y eut un moment de silence. Martel ne voulait point interroger directement, et Maurice n'osait se livrer. Enfin, il reprit. Et comme je suis le plus heureux homme de la terre, je veux que tu sois le premier à qui j'annoncerai mon bonheur. J'épouse Armande. Et Marguerite? Je ne l'aime plus, il y a longtemps. Ah! Il fallut que Maurice se contentât de ces félicitations un peu courtes. Martel ne paraissait pas être dans une heure d'expansion. « Tu as sommeil ? » dit-il. « Je te laisse. »« C'est bien au sommeil que je pense. C'est à toi. C'est à cette charmante enfant qui va être ta femme. Sais-tu ce que je ferais si j'étais toi ? Une fois marié, je dirai adieu à la gloire. Et au lieu de retourner à Paris, je resterai ici avec mes amis, au fond de ce pays superbe, dans cette maison où tout est réuni pour le bonheur. » Il y a en toi assez d'activité intérieure pour que tu ne t'ennuies pas. Il y a en elle assez de simplicité et de bon sens pour qu'elle ne désire pas d'autre plaisir que celui de t'aimer et d'élever vos enfants. Est-il au monde rien de plus beau, quand le sort y consent, que deux époux qui s'aiment et qui passent leur vie dans la paix? Tu n'aurais pas connu les passions que je ne parlerais pas ainsi. Mais Madame Baudistel a dû te donner de l'expérience. Que viendrais-tu faire à Paris? Conquérir une réputation? Tu l'obtiendrais, je le veux bien, mais à quel prix ? Comme Maurice fit un geste de surprise, Martel continua avec vivacité. L'art et l'amour, vois-tu, sont deux maîtres qu'on ne peut servir à la fois. Les poursuivre l'un et l'autre, c'est brûler sa vie par les deux bouts. Qu'un épicier soit ensemble et bon épicier, bon époux, je le veux bien. Son idéal de passion sera à la hauteur de son idéal de commerce. Mais qu'un artiste soit poète et amant, non. Un des deux l'emportera. Et l'autre en souffrira. Si c'est le poète qui triomphe, il fera le malheur de sa femme. Si c'est l'amant, il fera son propre malheur. Je te remercie de ces conseils. Par malheur, ils viennent un peu tard. Voyons, soyons francs. Tu es bon, honnête et loyal, c'est vrai. Mais il est vrai aussi que tu es faible et changeant. Armande est jeune, Jolie, elle t'aime et tu l'aimes, mais dans 2 ans, dans 3 ans. Ah, oublie Armande. Ah, oublie Marguerite, me disais-tu aussi avec la même conviction, il y a 3 mois, à peine. Cependant, tu l'as oublié. Eh bien, cette mobilité de sentiments me fait peur. Reste ici. Tu n'auras pas d'occasion d'y regretter ta liberté. Tu ne seras pas exposé à des séductions qui t'émeuvent trop facilement. Et tu n'y exposeras pas non plus Armande. Qui sait quelle douleur une trahison de toi pourrait causer dans cette âme si confiante? Reste ici à chasser, à pêcher, à te promener, à cultiver ton jardin. Et si tu veux, à toute force, travailler, prends ta femme pour public et pour juge. Une caresse vaut bien un bravo. À t'entendre parler, on croirait que je n'ai qu'à vouloir. Le docteur me donne sa fille, mais rien n'est décidé sur notre position de fortune. Eh bien alors, tant mieux. Tu n'en auras que plus facile à la décider dans ce sens. Il sera enchanté de vous garder auprès de lui. À quand la noce? À bientôt. Mais avant, j'ai à subir une épreuve qui me contrarie. Je dois revoir Marguerite. Es-tu fou? Elle doit se trouver au pardon de Saint-Guin, où j'ai promis de tenir l'orgue. Pourquoi as-tu promis? Vraiment, dit Maurice piqué, tu me prends pour un enfant. Tout à l'heure, tu me parlais d'inconstance à propos d'Armande. Maintenant, tu as l'air de me parler de Constance à propos de Marguerite. Tu n'es pas logique. Que crains-tu? Je crains tout d'une ancienne maîtresse. Je sais quelles sont les irrésistibles séductions d'une femme qu'on a aimée. Pascaline m'avait trompée, je la méprisais. Cependant, je l'ai reprise. Tu n'aimais point une femme plus jeune. Matineux comme à l'ordinaire, le docteur descendit peu de temps après Maurice et aussitôt il le fit appeler dans sa bibliothèque. « Mon cher enfant, lui dit-il, hier, quand tu nous as eu quittés, nous avons parlé de toi, et monsieur de Tréfléant, comme un ami loyal qu'il est, a cru devoir m'avertir que tu avais eu une grande passion. Je lui dis que tu me l'avais avoué, et que tu m'avais en même temps donné ta parole d'honneur que tu en étais guéri. Mais le souvenir de ces paroles m'a tourmenté toute la nuit, car je sais ce que c'est qu'une passion, quel désordre elle apporte, quel germe elle laisse dans le cœur. Je n'ai pas été impunément médecin pendant 40 années. Aussi, parle-moi franchement, il en est un encore. Hier, j'étais peut-être un peu vite. J'étais si heureux de faire votre bonheur, que j'agis comme un jeune homme. Cependant, si ce que j'ai cru n'avoir été qu'un simple amour avait été une de ces passions qui brisent la vie et épuisent l'âme, dis-le loyalement. Ne fais pas le malheur d'Armande et le tien. Rien n'est encore décidé, tu peux te retirer. Vous en souffririez tous les deux, je le sais. Mais enfin, nous pourrions bien trouver des distractions. Je me ferai jeune, je la promènerai. Et dans tous les cas, mieux vaut une souffrance, quelque grande qu'elle soit, pendant qu'on est jeune, qu'une existence entière perdue et désespérée. Tu me comprends, n'est-ce pas? Tu vois quelle est mon inquiétude. Quel est aussi mon amour pour elle et pour toi. Parle, quelle que soit ta réponse, tu auras toujours en moi un ami et un père. Ce que je vous ai dit hier, je vous le répète aujourd'hui. Répondit Maurice, la femme que j'ai aimée, je ne l'aime plus. J'aime Armande, et il y a en moi assez de tendresse pour faire le bonheur de sa vie. Réfléchis à tes paroles. Vois bien si un regret ou un retour n'est pas possible. J'ai réfléchi, j'aime Armande. Songe à l'engagement que tu prends. Je suis certain de le tenir. Alors Armande est à toi. Je devais tenter cette dernière épreuve. Je suis heureux qu'elle ait réussi. Mais rappelle-toi toujours que tu tiens entre tes mains notre vie à tous deux. Et surtout, qu'Armand doit ignorer que tu en as aimé une autre avant elle. Ne fais point la sottise de la prendre pour confidente de tes bonheurs et de tes chagrins de jeunesse. On souffre toujours de ces confessions qui blessent et outragent. La femme qui console n'est plus la femme qui aime. Elle tourne trop à la garde malade et à la sœur de charité. Moi, je suis pour l'amour dans le mariage. Tu me le promets. Je vous en donne ma parole. Je compte sur toi. Maintenant, parlons d'affaires. Et d'abord, dis-moi si tu as autre chose que ce que t'a laissé ta mère. Presque rien. C'est peu pour entrer en ménage. Je travaillerai. Le travail des artistes, je connais ça. Voilà donc ce que je te propose. Je ne te donne pas de dot, toujours parce que tu es artiste, et que je n'ai pas une confiance fort grande dans ton habileté financière. Mais, comme donné après sa mort n'est vraiment point donné, sur les 12 000 francs de rente que j'ai, je prends l'obligation de vous en servir 3 000. De plus, je ferai tous les ans un cadeau de 1 000 francs à Armande pour sa toilette. Maurice voulut interrompre. « Ne me remercie pas encore !» poursuivit M. Michon. « Tu ne sais pas ce que je vais te demander en échange. Tu comprends, n'est-ce pas, que ce ne sera point sans souffrir que je me séparerai d'Armande. Je suis vieux, je n'ai plus qu'elle, et j'avais presque espéré pouvoir la garder près de moi. Mais enfin, je sais qu'il ne faut pas aimer les enfants pour soi-même. Je la laisserai donc partir. Seulement, c'est à la condition que vous viendrez passer tous les ans 5 mois à Plorac, du 1er juin au 1er novembre. Le reste de l'année, vous vivrez à Paris, où je vous servirai votre rente. Cela te va-t-il ? Je n'avais pas espéré un tel bonheur. Tu es content, tant mieux, mais songe bien, n'est-ce pas, que c'est une obligation formelle que tu prends, et que je n'admettrai point d'excuses, ni pour Armand, ni pour toi, car je t'aime aussi, mon garçon, et je veux vous avoir ici tous les deux pour me rajeunir un peu et me faire vivre. Voilà nos petites affaires arrangées, n'est-ce pas ? Il faut maintenant nous occuper de la principale. Jusqu'à présent, j'ai parlé comme si j'étais le seul maître d'Armande. Il nous faut cependant le consentement de son père. Oh, présenté par vous. Justement, cela ne signifie rien du tout. Peut-être vaudrait-il même mieux que tu fusses présenté par un autre, car tu ne connais pas mon gendre. Et s'il croit pouvoir m'être désagréable en refusant, il refusera. Si je voulais te dire toutes les infamies qu'il m'a faites, ce serait trop long. Crois-tu que ce brigand-là, quand il a eu tué ma pauvre fille, a retiré Armand d'une petite pension de gonesse où on l'élevait pour 300 francs? Je ne t'ai jamais parlé de ça, mais maintenant que tu es de la famille, il faut que tu le saches. Qu'il l'a prise chez lui, lui a donné pour toute maîtresse une ouvrière en fleurs, et lorsque la malheureuse enfant, qui n'avait point encore 11 ans, a su un peu travailler, il l'a tenue enfermée dans un mauvais grenier du boulevard Saint-Denis. Il fallait qu'elle lui livrât tous les soirs une certaine quantité de sureau, de lilas, je ne sais pas trop, enfin de ces fleurs communes dont il faut faire des milliers pour gagner 30 sous. Pendant 18 mois, elle n'a pas mis le pied dans la rue. Elle se levait à 7 heures, se couchait à minuit, faisait le ménage de son père, travaillait toute la journée sans feu, se chauffant seulement au petit réchaud qui servait à ses fers, et n'avait pour toute distraction, quand elle se savait seule, que de se mettre à la fenêtre. Comme cette fenêtre était une sorte de tabatière, il fallait qu'elle se laissât glisser à demi sur le toit. Alors, appuyant ses 2 mains sur la gouttière, elle avançait le menton et regardait la foule passer sur le boulevard. Voilà ce qu'elle connaît de Paris, voilà quels ont été les plaisirs de son enfance. Il a fallu qu'en ma qualité de subrogé tuteur, je commençasse un procès pour la faire remettre entre mes mains. Tu comprends qu'avec un tel homme, on ne peut rien prévoir, et cependant, ça a été bien élevé, ça porte un des beaux noms de la Bretagne, ça a été chef de bataillon. Aujourd'hui, c'est peut-être l'âme la plus vile de tout Paris. Enfin, nous allons tous les trois lui écrire chacun une lettre et essayer les moyens de conciliation. Je vais faire appeler Armande, puis nous nous mettrons à l'œuvre. Armande descendit bientôt, et suivant son habitude, elle alla embrasser son grand-père sur les 2 joues, puis, s'avançant vers Maurice, elle s'arrêta interdite, n'osant ni lui parler, ni lui tendre la main, et baissant les yeux. Alors, le docteur souriant, « Allons, mes enfants, leur dit-il, embrassez-vous comme si je n'étais point là. Mais quand je n'y serai pas, embrassez-vous comme si j'y étais. » La réponse de Paris ne se fit pas longtemps attendre. Un matin, tout le monde étant réuni pour le déjeuner, on apporta une lettre, et comme le docteur tendait la main pour la prendre, « C'est pour M. Maurice, » dit le facteur. « De qui ? » s'écrièrent à la fois M. Michon et Armande. « De M. de Kergomar. » Le facteur sortit, et Martel voulut se retirer, mais le docteur l'arrêtant, « Restez, vous êtes le frère de Maurice. » Puis, se tournant vers celui-ci, « Allons, lis vite, vite. » « C'est que, » balbutia Maurice, qui d'un coup d'œil avait parcouru la première page, « Je ne sais trop aussi. » Et il regarda Armande. « Eh bien, quoi ? » fit le docteur. « Quelle que soit cette réponse, Armande doit la connaître, lis. » En même temps que je recevais votre lettre, monsieur, j'en recevais encore 2. Une de ma fille, l'autre de M. Michon, mon beau-père. Comme toutes les 3 avaient un même objet, je n'y fis qu'une seule et même réponse, et c'est à vous que je l'adresse. J'ai l'habitude de traiter les affaires franchement et en peu de mots. Or, comme ce dont vous m'entretenez ne peut être, malgré les sentiments dont vous l'enveloppez, qu'une simple affaire entre 2 hommes qui ne se connaissent pas et ne se sont jamais vus, j'y réponds comme à mon ordinaire. Vous me demandez mon consentement pour épouser ma fille, je ne vous l'accorde pas. Ou, dans tous les cas, je ne vous l'accorderai que si vous acceptez mes conditions. « Les conditions ? » interrompit le docteur. « Vous déposerez chez un notaire de Paris une somme de 20 000 francs, et en échange du consentement que je signerai chez ce même notaire, on me remettra cette somme. Ce n'est pas un chantage que je veux pratiquer sur vous, c'est une simple précaution que je veux prendre. Je ne suis plus jeune, monsieur. Bientôt, peut-être, j'en serai réduit à demander une pension alimentaire. Pourriez-vous me faire cette pension? Je ne sais si vous avez de la fortune, mais par votre lettre, je vois que vous êtes artiste. Et vous en conviendrez, c'est une mauvaise recommandation pour le présent, une mauvaise assurance pour l'avenir. Voilà pourquoi je vous demande ces 20 000 francs. C'est un capital qui, bien placé, me fournira le strict nécessaire et nous dispensera, une fois payé, vous de me servir une pension, moi de vous tendre la main. Considérez encore qu'en exigeant cette somme, je ne fais pas une spéculation, car M. Michon, à l'âge auquel il est arrivé, peut mourir d'un jour à l'autre et... Voyez-vous ce coquin ? S'écria le docteur. Et dans ce cas, je serai l'administrateur de la fortune de ma fille, au moins jusqu'à sa majorité. Cela, vous le comprendrez facilement, me vaudrait bien ces 20 000 francs. J'espère que vous ne verrez dans cette lettre que ce qu'il y a réellement, une mesure de sagesse, et que si vous aimez ma fille, vous n'hésiterez pas soit à prendre sur votre fortune personnelle, soit à emprunter sur la dot pour obtenir mon consentement en satisfaisant mes justes précautions. Agréez, monsieur, l'assurance de ma considération. Donnant de Kergomar. Après cette lecture, personne n'osait se regarder. Enfin, le docteur s'adressant à Maurice, « Tu m'accusais d'exagération, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, tu vois. »« Si j'avais ces 20 000 francs, dit Maurice, je les donnerais tout de suite. » Sans achever, il regarda Armande. Celle-ci, confuse, fixait ses yeux à terre. Elle se serrait les lèvres entre les dents, et de grosses larmes perlaient au bout de ses cils. Le docteur, appuyé sur la table, demeurait silencieux, mais bientôt, « Allons, ne vous désespérez pas. Je vous ai promis de vous marier, je vous marierai. » Comme le dit très justement mon cher gendre, ce n'est qu'une affaire, et les affaires, ça me regarde. Je me charge de payer ces 20 000 francs. Ah, mon bon père !» Ce n'était pas sans un certain effroi que Maurice voyait arriver le jour où il se trouverait en face de Marguerite, et si, près d'Armande, en la regardant, en l'écoutant parler, il chassait facilement ce souci, loin d'elle, il en était inquiété. Il se demandait s'il n'avait pas eu tort de promettre. Les paroles de Martel lui revenaient, et quoiqu'il rejetât bien loin la pensée d'un retour à Marguerite, l'idée de la revoir le troublait. Comment le regarderait-elle? Comment lui-même la regarderait-il? Que se diraient leurs lèvres s'ils se trouvaient en présence? Ah, si dans un coup d'œil il pouvait lui jeter au visage tout ce qu'il se sentait maintenant pour elle de mépris! S'il pouvait se venger et lui faire payer en un jour toutes les souffrances qu'il avait endurées! Et alors il se promettait de redoubler auprès d'Armand de soins et de tendresse, afin que son amour éclatât bien à tous les yeux. Et elle a blessé et humilié Marguerite, en lui montrant combien sa rivale l'emportait sur elle en grâce, en jeunesse, en beauté. Il l'eût voulu pour cette journée encore plus ravissante et plus parfaite. Aussi lui parlait-il sans cesse de sa toilette. Elle ne comprenait guère le véritable motif de cette insistance, mais elle était heureuse, car il y voyait une preuve d'amour et elle promettait ce que son amant demandait. Le jour du pardon arriva, et quand Armande, prête à partir, parut au bas de l'escalier, Maurice put être content. Elle avait une beauté si éclatante et en même temps si suave qu'elle réjouissait les yeux. Heureuse de faire plaisir à Maurice et de le voir pour la première fois dans sa gloire, car elle se disait naïvement qu'il serait avec l'évêque le héros de la fête, son visage s'était transfiguré et son regard, reflétant la joie de son âme, avait pris un rayonnement qui lui faisait au front comme une auréole. Sa toilette aussi venait ajouter à sa séduction. Elle avait une robe de mousseline blanche toute unie, un mantelet de même étoffe à volant légèrement ruché, des bottines d'une soie grise, souple et lustrée, et un petit chapeau de paille de riz avec de larges brides d'un bleu pâle. Ses brides, après avoir encadré le bas de la figure, s'étalaient sur le corsage serré à la taille par un large ruban de même couleur. Elle vit dans les yeux de Maurice le plaisir qu'elle lui donnait. Pour la première fois, elle se crut jolie et fut orgueilleuse de sa beauté. On monta en char à banc. M. Michon, l'abbé Arcouette et Martel se placèrent sur le premier banc, et pour ne point défraîchir la toilette d'Armande, on lui permit de se mettre sur le dernier, seul avec Maurice. « Tout le monde en place, n'est-ce pas ? » cria le docteur, le fouet à la main. « En route !» Sur le chemin s'allongeaient des bandes de paysans endimanchés qui se rendaient à la fête. Ils allaient par groupes. Les uns entassés dans des charrettes, assis sur des gerbes ou debout le dos contre les ridelles, les autres à deux sur un bidet qui trottait dur, le plus grand nombre à pied, frappant la terre de leurs pans bas. les hommes portaient des braies blanches retenues par une large ceinture de laine, la veste à poche, le grand gilet et le chapeau aux larges bords entourés d'une double ganse d'argent ou de chenilles bigarrées. Les femmes, pour cette cérémonie, avaient revêtu le corsage orné de velours noir, les jupes courtes qui s'échelonnent les unes sur les autres, les bas de coton rouge ou bleu et la petite coiffe relevée de chaque côté de la tête. C'était un long cordon qui ondulait dans la plaine et la faisait bruyante et bariolée. M. Michon dépassait facilement Cario les marcheurs. Les paysans le saluaient. Il leur répondait en les appelant par leur nom, et sans se laisser distraire, il expliquait à Martel comment M. de Lannilis, qui s'était engraissé de la fortune de M. Baudistel pour se rendre populaire dans le pays, employait tous les moyens, la loterie en faveur des incendiés, l'orgue donné à Saint-Guin, et même la présence de l'évêque qu'on avait invité pour qu'il laissât au château un peu de son influence et de sa bonne réputation. Dans le fond de la voiture, on n'écoutait guère. On se tenait la main, on se regardait. De temps en temps, Armande, toute fière, montrait à Maurice des paysans qui le désignaient du doigt en ayant l'air de se dire entre eux « Voilà le musicien de Paris !» Ainsi ils allaient, traversant les groupes et courant au milieu de la campagne couverte de javel et de gerbes de blé mises en d'iseaux. Des bouffées de vent, passant par-dessus la falaise, apportaient un air plus frais et soulevaient sur la route des flots de poussière qui tourbillonnaient en montant pour aller se disperser au loin. En une demi-heure, on arriva. Maurice n'avait pas pensé à Marguerite et à leur entrevue. On descendit au presbytère, et pendant que l'abbé se rendait à l'église, d'où devait partir le cortège, on se dirigea vers le lieu du pardon. Le pardon de Saint-Guin se célèbre tous les ans le 19 août, autour d'une chapelle vouée à ce bienheureux saint, et bâtie au milieu de la lande de Lannilis, sur une pointe de falaise qui baigne son pied dans la mer. Quand on sort du village en allant vers l'est, on la voit, au haut d'une montée assez douce, se détacher sur le bleu du ciel. À l'extérieur, elle est peinte en blanc pour servir d'amer aux marins. À l'intérieur, elle est remplie de petits bateaux suspendus aux voûtes et de plaques de marbre incrustées dans la muraille, naïfs ex voto qui sont là pour dire la puissance et la miraculeuse intercession du saint. Le jour du pardon, la plateforme où s'élève la chapelle est ornée de deux ou trois baraques en toile, où l'on vend des pains d'épices, des bâtons à poignées de cuir, des croix et des boucles d'oreilles en or, des bagues en argent, des casseroles et des tasses peintes en couleurs éclatantes. Dédaignant tout luxe, un cabaretier ouvre sa boutique en plein vent, un tonneau lui sert de table, et dans sa charrette, en équilibre sur deux chambrières, il met en perse une barrique de cidre de Saint-Malo et un fût d'eau-de-vie. Pour les estomacs plus difficiles, il y a une tente avec des bancs et des tables où l'on trouve à manger des harengs sorts, du poisson frit. Les quartiers de porc frais, étagés les uns au-dessus des autres, cuisent en plein air devant un brasier qui, recevant d'aplomb le soleil, fume toujours sans jamais flamber. En face de la tente et de l'autre côté du chemin est un espace bien nettoyé de broussailles. Deux tonneaux sont placés à l'extrémité. C'est la salle de danse. Sur le chemin qui conduit du village à la chapelle, se tiennent les entrepreneurs de loterie et les chanteurs. Ce fut par ce chemin que montèrent M. Michon, Armande, Maurice et Martel. Déjà la foule arrivait. « Vous voyez, » disait le docteur, montrant cette foule à Martel, « chez nous, tout est renversé. » Et le proverbe qui dit qu'il vaut mieux avoir affaire au bon Dieu qu'à ses saints, en Bretagne, il n'est plus vrai. Ici, on aime mieux les saints que le bon Dieu. Sur la plateforme, ils trouvèrent M. de Tréfléant. « Où donc est Audren ?» demanda le docteur surpris de ne pas le voir. « Il n'est pas revenu de Brest, » répondit M. de Tréfléant, « et j'en suis un peu tourmenté. » Les cloches de l'église commencèrent à sonner à toute volée. C'était la procession qui se mettait en marche. Aussitôt, la cloche de la chapelle leur répondit joyeusement. Bientôt, on entendit les sons de l'ophicléide et du serpent, puis des versets de psaumes chantés par 200 ou 300 voix. La foule s'écarta de chaque côté du chemin. On aperçut la procession. C'était au loin un gracieux ensemble de bannières, de banderoles et de voiles blancs qui flottaient au vent. À mesure que la procession gravit la montée, on distingua mieux sa pompe et son ordre. En avant marchait le garde champêtre, le sabre à la main, puis venaient les gendarmes du chef-lieu de canton et les douaniers. Ensuite s'avançait, à quelques pas d'intervalle, le Suisse, qui, se balançant avec une nonchalance superbe, appuyait sa hallebarde sur son épaule et tenait à la main sa longue canne à pomme d'argent. Puis venaient les croix de chaque paroisse au bout de leur hampe, le bedeau et les enfants de chœur avec les chandeliers et les encensoirs. Puis les jeunes filles en blanc qui portaient la bannière de la Vierge et l'assuraient contre le vent avec de longues banderoles qu'elles raidissaient tantôt en avant, tantôt en arrière. Puis, les jeunes garçons qui, sur une sorte de brancard posé sur leurs épaules, portaient la statue de Saint-Guin. Puis, les serpents et les chantres en surplis bien plissés. Puis, 8 ou 10 curés des environs. Puis, le secrétaire particulier de Monseigneur. Puis, enfin, sous un dais en velours orné de panache blanc, l'évêque lui-même, qui s'appuyait d'une main sur sa crosse et de l'autre donnait sa bénédiction à la foule qui se prosternait. Immédiatement derrière marchaient le comte et la comtesse de Lannilis, suivis de toute l'assistance. Les chantres chantaient à pleine voix, les serpents soufflaient, les enfants de cœur criaient, les croix se balançaient, les bannières voltigeaient, et sur le passage du cortège tout le monde se courbait religieusement. « La voilà !» dit tout bas Maurice à Martel. « Je comprends tout maintenant. » Lorsque Marguerite s'approcha, Maurice baissa malgré lui les yeux vers la terre. Lorsqu'il les releva, le Suisse arrivait à la chapelle. La procession commença à disparaître sous le porche, et ceux qui avaient des places réservées la suivirent. Le docteur et ses amis étant au nombre de ses privilégiés, ils entrèrent aussi. Le curé de Lannilis, qui faisait l'office de maître des cérémonies, courait de l'un à l'autre pour tâcher de mettre un peu d'ordre. Apercevant Maurice, il alla vers lui et le pria de monter aux orgues. Celui-ci fit à Armand un signe amical, échangea un coup d'œil avec Martel pour lui montrer qu'il était ferme, et suivit le prêtre qui frayait le passage. Presque aussitôt, la messe commença. L'église n'avait pas reçu la 20e partie des fidèles, mais ceux qui n'avaient point pu entrer ne s'étaient pas découragés. Ils s'étaient étagés dans la lande, et par les portes grandes ouvertes, on les apercevait accroupis sur leurs talons. Les longs cheveux noirs des hommes se mélangeaient aux coiffes blanches qu'agitait le vent. Ça et là, quelques crânes dénudés miroitaient sous les rayons du soleil. C'était l'évêque lui-même qui pontifiait, avec l'abbé Arcouet pour archidiacre et pour assistant son secrétaire. Du haut des orgues, Maurice dominait l'assemblée, et au premier rang de la nef, il apercevait Armande, placée entre son grand-père et M. de Tréfléant, puis, dans le chœur, au banc seigneurial, Marguerite à côté de M. de Lannilis. Elle était de profil et il la voyait assez mal. Cependant, quoique leurs regards ne se fussent pas encore rencontrés, il se sentait une oppression gênante. Après l'évangile, le secrétaire particulier de l'évêque descendit pour prêcher, et tous ceux qui étaient du côté du cœur se retournèrent vers la chaire. Maurice comprit que le moment décisif était arrivé, mais avant et comme pour s'assurer contre lui-même, il contempla quelques minutes Armande, qui était tout à l'office. Puis, se sentant réconforté, il regarda Marguerite. Par un étrange hasard, elle avait la même toilette qu'Armande, mais avec ces différences qui séparent la femme de la jeune fille, l'élégance de la simplicité. Sa robe était aussi en mousseline blanche, mais à 3 volants chargés de broderies qui se drapaient sur une large jupe en moire d'un bleu clair. Le mantelet aussi était blanc et léger, mais il était en une admirable dentelle et il l'enveloppait presque jusqu'aux pieds. Le chapeau aussi était en paille, mais splendidement orné par la plus habile faiseuse à la mode. Ainsi paré, renversé à demi dans son fauteuil, la tête éclairée en plein par un rayon de soleil qui se réchauffait encore dans les vitraux, elle était vraiment belle. De sa place, Maurice pouvait la voir sans qu'elle-même le vît. Elle paraissait écouter le prédicateur, mais de temps en temps ses yeux glissaient jusqu'au porche. Remontait à l'orgue, s'y arrêtait en cherchant, puis il revenait à la chaire. Il la regarda longtemps, perdu dans un monde de souvenirs, tantôt colère, tantôt attendri, tantôt haineux, mais ému, bouleversé. Et pendant ce temps, du haut de sa tribune, le jeune prêtre, d'une voix douce et avec un geste élégant, disait les inénarrables consolations de la charité. Il disait comment cette vertu, si éloquemment prêchée par le divin maître, ne laissait jamais les malheureux dans la détresse et l'abandon. Et se tournant vers le prélat, il disait comment les ministres des autels étaient les premiers à obéir à sa voix. Puis, se tournant vers le comte et la comtesse, il disait encore comment les grands du monde étaient aussi touchés par elle, comment, sous sa pieuse inspiration, ils ne considéraient la fortune qu'ils avaient reçue du ciel que comme un dépôt destiné à secourir, aider et consoler ceux qui, frappés sur la terre, pleuraient et gémissaient en implorant le Seigneur. Sans bien comprendre ces allusions, et sans comprendre surtout que l'incendie de leur village était une preuve de la bonté de Dieu, les paysans écoutaient, immobiles, bouche béante, émerveillé de la rapidité avec laquelle coulaient ses paroles fleuries, pompeuses et rythmées. Mais Maurice, lui, n'écoutait point, et son regard allait d'Armande à Marguerite, de Marguerite à Armande. Enfin, faisant un effort pour chasser les pensées qui malgré lui l'entraînaient dans le passé, il l'arrêta impérieusement sur celle-ci, et jusqu'à la fin du discours, il ne détourna plus les yeux de dessus elle. Au credo, Marguerite se leva, et précédée du comte, elle commença à parcourir les rangs, une bourse à la main. Arrivée au bas de la chapelle, elle n'alla pas plus loin. Elle laissa le comte achever la quête auprès de ceux qui étaient restés dehors, et elle revint à sa place, ramenée par le suisse et par le curé. On chantait la Agnus Dei. C'était le moment où Maurice devait jouer un morceau de quelque étendue. Ému et tremblant comme il l'était, il avait peu de liberté d'esprit pour accomplir cette tâche. Il le comprit, et il comprit en même temps qu'il succomberait s'il essayait de vaincre l'homme par l'artiste, et que le seul moyen de sortir vainqueur de cette lutte, c'était d'en faire une chose humaine et personnelle. Alors, reprenant le troisième verset de l'Agnus, il entonna presque aussitôt un motif doux et tendre, c'était les adieux, et le répétant sans l'abandonner, il l'étendit en des modulations pleines de tristesse dans leur monotonie. Puis, le thème devint progressivement plus sombre, plus lugubre, plus déchirant. Il pensait à sa trahison, à son désespoir. Puis, dans une série d'accords, presque toujours les mêmes, l'orgue gémit et pleura longtemps. C'étaient les jours de l'abandon et de la douleur. Puis la mélodie se fit moins plaintive, moins heurtée. C'étaient les jours de consolation. Puis elle fut plus douce, plus calme, plus joyeuse. C'étaient les jours d'espérance. Puis, par une transition habile, la phrase de Robert disait à Claire fut amenée, et alors éclata un hymne de triomphe et de joie. Les voûtes de la chapelle furent ébranlées. Les vitraux frémirent. L'orgue lançait à flot, en note bruyante, un chant d'allégresse où toujours revenait rapidement rappelée la phrase du début. C'était les jours de bonheur, les rêves d'avenir, le tédéum de l'amour. La messe finie, le cortège se remit en ordre pour regagner l'église en procession. Mais en ce moment, le curé de Lannilis s'avança vers Maurice et le pria de lui faire l'honneur de venir jusqu'au presbytère où Monseigneur voulait le remercier. Maurice serait dispensé de ce triomphe, mais comme le docteur s'empressa d'accepter, il ne put que se résigner. La procession, en ordre de marche, croyait bannière en tête, redescendit au village. M. Michon, M. de Tréfléant, Armande, Maurice et Martel, n'ayant rien à faire à l'église, arrivèrent les premiers au presbytère. Bientôt ils virent paraître l'évêque accompagné du comte, de la comtesse et de tous les curés. Tout le monde entra au salon, et quand on se fut un peu reconnu et salué, l'abbé Ercotte vint prendre Maurice par la main et l'amena devant l'évêque. « Monsieur, dit le prélat d'une voix gracieuse, permettez-moi de vous féliciter. Vous avez joué comme si Sainte-Cécile vous eût inspiré. En vous écoutant, j'ai cru entendre des anges chanter. » Puis se tournant vers Marguerite, « N'est-il pas vrai, madame, que c'était merveilleux ?»« Oh, monseigneur, répondit Marguerite sans se troubler, il y a longtemps que j'ai pu apprécier le talent de M. Berthaud. Moi aussi, en l'écoutant aujourd'hui, j'ai cru retrouver mes plus délicieux plaisirs de Paris. » Elle souligna des yeux ses paroles d'une façon si précise qu'il en fut stupéfait. Mais il n'eut pas le temps de ressaisir son calme, car l'abbé Ercouette, ayant pris Armande par la main, s'approchait de nouveau de l'évêque. « Que Monseigneur me permette de lui présenter Mademoiselle de Kergomar, disait-il. Elle est aussi mon élève, et grâce à elle, nous pourrons avoir quelquefois M. Berthaud, qui va devenir mon paroissien. » Marguerite comprit, elle tressaillit. Ce fut à son tour de demeurer surprise. Elle enveloppait Maurice et Armand d'un regard interrogateur. Puis elle alla vers un prêtre qui était dans un des coins opposés et parut s'engager avec lui dans une vive conversation. Heureusement pour elle et pour Maurice, le curé de Lannilis les secourut à propos. Il avait préparé une collation dans le jardin et il priait qu'on voulût bien y faire honneur. L'évêque donna le signal et Marguerite, se retournant vers Maurice, lui prit le bras au moment même où il s'approchait d'Armande. « Mademoiselle, dit-elle, laissez-moi vous prendre votre fiancé, car maintenant j'ai à le féliciter doublement. » Pendant qu'Armande, confuse, ne savait que répondre, elle passa devant elle avec assurance et s'engagea sur les pas de l'évêque. Puis, au moment où il y avait un peu de distance entre elle et ceux qui la suivaient, elle serra le bras de Maurice, qui tremblait, et s'approchant de son oreille, « Ne te marie pas sans me voir, dit-elle d'une voix basse. Demain soir, je serai seule au château. » La collation se passa sans incident. L'évêque fut parfait d'affabilité pour le docteur et pour Armande, qui l'appela plusieurs fois « ma belle enfant ». Marguerite s'entretint gaiement avec tout le monde, et Maurice, assis près d'Armande, fit tous ses efforts pour paraître calme. Il ne leva pas les yeux sur Marguerite. On se sépara bientôt. L'évêque, le comte, la comtesse et les curés, pour se rendre au château, M. Michon et ses amis pour revenir à Plorac. La route ne fut point au retour ce qu'elle avait été le matin. Quoi qu'il tentât, Maurice ne pouvait chasser la pensée de Marguerite et le souvenir de ses paroles. Armande était instinctivement inquiète. Martel, tourmenté, aurait voulu interroger Maurice. Seul le docteur avait gardé sa bonhomie. « Savez-vous, disait-il à Martel, que Madame de Lannilis est superbe ?» Puis à Maurice, « Tu la connaissais donc, toi ?»« Oh !» répondit Maurice, « je l'ai vue deux, trois fois. »« C'est une de ces femmes, interrompit Martel pour faire une diversion, qui sont familières avec les artistes, par orgueil et par vanité. »« Comment ça ? » dit le docteur. « C'est bien simple. » Par orgueil, en traitant sans gêne ce qu'elle paraissait élever jusqu'à elle, par vanité, en affectant aux yeux du public une communauté d'idées avec des hommes qui, à un titre quelconque, passent pour supérieurs. Armand ne disait rien. La préoccupation qu'elle voyait dans les yeux de Maurice l'effrayait. « Eh bien ?» dit Martel quand il se trouva seul avec Maurice. « Eh bien, tout s'est assez bien passé. Décidément, je suis bien guéri. Cette expérience en est une bonne preuve. Elle ne t'a rien dit ? Elle m'a félicité de mon mariage. Ainsi, tu ne crains rien. Rien. J'aime Armande et je l'aimerai toujours. » Il était sincère, car il se promettait bien de ne point aller au rendez-vous de Marguerite. Et s'il ne parlait pas à son ami de son rendez-vous, c'était par une sorte de pudeur pour celle qu'il avait aimée, puis aussi pour ne point avouer que Martel avait eu raison. Mais quant au danger, il le croyait passé, et s'il se sentait encore troublé, son amour pour Armande n'en était ni moins grand, ni moins exclusif. Toute la nuit et toute la matinée du lendemain, il se répéta « Non, non, je n'irai pas. » La pensée même de ce rendez-vous révoltait son amour. Mais quand le docteur lui proposa pour le soir une promenade en mer, il refusa sans trop savoir pourquoi et prétexta le besoin d'écrire des lettres. Cependant, plus le moment approchait, moins il se sentait résolu. « Après tout, se disait-il, qu'ai-je à craindre ? Est-ce que je n'aime pas Armande ? Et pourquoi ne me vengerais-je pas en le répétant moi-même à Marguerite ? Et en lui faisant endurer quelques-unes des souffrances qu'elle m'a causées. » Après le dîner, Maurice, bien décidé à écrire ses lettres, laissa partir l'Albatros. Mais quand il se trouva seul dans sa chambre, il ne put pas rester en place. Il voulut sortir pour se calmer. Il fit quelques tours dans le jardin, revint dans sa chambre, s'assit devant sa table, trempa 10 fois sa plume dans son encrier, n'écrivit pas une seule ligne, et enfin, n'y tenant plus, il se mit en route pour Lannilis, répétant encore « Il faut voir !» Le chemin, par la lande, abrège la distance des 2/3. Il le prit et marcha rapidement. Mais en approchant, il ralentit le pas. Même, il se demanda s'il ne reviendrait point en arrière. Cependant, il continua. Et bientôt, il arriva au parc, qui, abrité par la colline, étale ses bois jusqu'au fond de la vallée. Tout en haut de cette colline s'élève le château avec ses pignons élancés et ses 2 ailes flanquées de tours. Maurice, enfant, était souvent venu jouer dans ce parc, alors abandonné, et qu'il retrouva bien entretenu, coupé de larges chemins sablés. Le château aussi, qui datait de 2 ou 3 siècles différents, François Ier, Henri IV et Louis XIII, avait été repris en sous-œuvre, gratté et réparé. Maurice, la tête haute, monta les marches du perron et entra dans un large vestibule. Quand il se fut nommé et eut demandé la comtesse, le valet de service hésita quelques secondes, puis il sonna le valet de chambre et bientôt celui-ci arriva. « Je ne crois pas que madame puisse recevoir, dit-il, car elle garde la chambre. Cependant, si monsieur le désire, je vais aller m'en informer. » Resté seul, Maurice retomba dans ses irrésolutions et regretta d'être venu. Tout à coup, il se sentit lécher les mains. C'étaient 2 grands lévriers qu'il avait souvent flattés à Paris et qui s'étaient levés de la natte où ils étaient couchés pour venir le flairer. Ce souvenir du passé l'attendrit, mais comme il leur faisait fête et les flattait, il remarqua qu'il portait, estampillé sur la cuisse, une large couronne de comte. Le nom qu'il lui avait fallu prononcer en entrant lui avait déchiré les lèvres. Cette remarque le blessa. Il sentit la colère le gagner, et il désira presque n'être parsu. Le valet rentra, lui fit un signe respectueux pour l'engager à le suivre, et lui ayant fait monter l'escalier, traverser 3 ou 4 longues pièces, il ouvrit une porte. La chambre dans laquelle Maurice entra était sombre et de plus, encombrée de ces mille choses qui sont le luxe et le goût moderne. Aussi fut-il quelques secondes sans bien savoir où il était. Grâce à de larges fenêtres qui ouvraient sur la mer, il se reconnut bientôt, et au fond de l'appartement, étendu sur un canapé au milieu d'un amas de coussins, à moitié caché sous les bouffements d'une robe blanche, il aperçut Marguerite. « Et quoi ? » s'écria-t-il en s'avançant. « Êtes-vous souffrante ?» Elle ne répondit pas, mais presque souriante, elle le regarda en face hardiment, durant quelques secondes, puis d'une voix caressante. « Ai-je donc l'air souffrant ? » dit-elle en se soulevant à demi, comme pour lui présenter son visage, et le regarder encore plus hardiment. Il la retrouva telle qu'il l'avait vue autrefois, audacieuse, provocante. Il retrouva ses émotions d'autrefois. Alors Marguerite, lisant clairement dans cette âme qu'elle avait si souvent éprouvée, « Je ne suis point souffrante, » dit-elle. Elle l'enveloppa d'un regard chaud et fascinant. « Ma maladie n'était qu'une ruse pour me retrouver seule et libre avec toi. » Elle lui souffla ses derniers mots à l'oreille, et avant qu'il pût s'en défendre, elle l'attira et le fit asseoir près d'elle. « Ce n'est point ainsi que nous devons nous revoir, que nous devons nous parler. Oui, toi peut-être. Tu dois être dur et froid, car tu peux m'en vouloir, mais moi. » Elle n'acheva pas, mais elle releva sur lui ses yeux, où une larme paraissait arrêtée entre les paupières. « N'oublions pas vous, qui vous êtes maintenant, moi ce que je serai demain. »« Mariée ? » s'écria-t-elle. « Ah, je ne l'oublie pas. » Et c'est justement pour cela que j'ai voulu te voir. Écoute-moi, et tu comprendras que je ne l'oublie point. Mais avant, laisse-moi te remercier d'être venu. » Elle se pencha sur lui, lui prit la main et l'embrassa à pleines lèvres. Il voulait dire qu'il n'était point venu pour écouter, mais pour parler, pour accuser lui-même. Cette caresse le confondit. « Ah, tu veux te marier, grand enfant ? Eh bien, écoute, moi aussi j'ai voulu me marier. Ma mère me pressait. Ce nom exécré de Baudistel me faisait honte. Nos voyages avaient compromis ma réputation, et je sentais que le mariage seul pouvait me permettre de rentrer dans le monde, la tête haute. Je te trompais et me mariais. Je te dirais aujourd'hui qu'en agissant ainsi, je voulais assurer notre amour, que tu ne me croirais peut-être pas. Cependant, rien ne me serait plus facile que de te le prouver. « Oh !» s'écria Maurice. « Oui, facile. Mais c'est pour t'éclairer, et non pour me disculper que je t'ai donné ce rendez-vous. Je me mariais donc. » Mon châtiment ne se fit point longtemps attendre. Quand, au milieu de mon bal, je te vis apparaître, je payais ma faute. Mais je me sentais si coupable, je me faisais tellement horreur à moi-même que je n'osais rien t'avouer et te laissais partir en te trompant encore. Lâchement. Oui, lâchement. Jamais tes injures, jamais tes colères n'égaleront les miennes. Car depuis, mon existence n'a été qu'une expiation. Partout j'ai porté ton souvenir, partout je t'ai demandé, regretté, désiré, car tu es ma joie, mon bonheur, ma vie. Un amour comme celui que nous avons connu envahit le cœur tout entier et n'y laisse plus de place. Voilà pourquoi j'ai voulu te voir avant que tu te maries. Que mon exemple te serve. Ne te perds pas comme je me suis perdu. Vous n'aimiez pas quand vous êtes marié. Moi, j'aime. » Lorsqu'elle entendit cet aveu brutal, elle laissa tomber la main de Maurice. Jusqu'à ce moment, ses paroles n'avaient guère été qu'une leçon préparée et habilement récitée, qui devait lui livrer Maurice sans qu'il pût se reconnaître. En recevant cette blessure, son orgueil bondit, le sarcasme et l'injure lui vinrent aux lèvres. Cependant, elle eut la puissance de se contenir et de se rappeler son but. Ce ne serait point par l'emportement, mais par l'habileté et la douceur qu'elle l'amènerait à ses pieds, car c'était là ce qu'elle voulait. Il lui était nécessaire, ses sens se souvenaient. Maintenant qu'elle était mariée, elle n'aurait plus de lutte à subir. Enfin, elle ressentait ce sentiment raffiné qu'éprouve le Don Juan de Molière à la vue d'une fiancée conduite par celui-même qu'elle doit épouser, qui fait qu'il en est ému et que, ne pouvant souffrir de les voir si bien ensemble, il se figure un plaisir extrême à troubler leur intelligence et rompre un attachement dont la délicatesse de son cœur se tient offensée. Pour elle, c'était une question d'amour et une question d'amour-propre. Elle fit taire son émotion et après s'être si bien immolée elle-même tout d'abord, que Maurice ne pouvait rien lui reprocher dont elle ne se fût accusée, elle changea de terrain et s'adressa au vrai nœud de la difficulté, c'est-à-dire à Armande, qu'il fallait frapper de telle sorte que Maurice ne put ni la défendre, ni la sauver. « Ah, tu aimes, » dit-elle, « tu aimes. Mais c'est moi que tu aimes. Ce que tu ressens pour cette jeune fille et que tu crois amour, c'est vengeance. » Tu ne l'aimes point, tu ne peux pas l'aimer, car tu es à moi seul. Je vous répète que je l'aime. Tu crois l'aimer. Mais près d'elle, tu n'auras pas une joie, pas une sensation sans penser à moi. Tous les plaisirs, nous les avons connus ensemble, plus complets et plus grands que tu ne les retrouveras jamais. Tu n'iras pas avec elle dans un bois sans te rappeler Montmorency et Fontainebleau. Tu n'iras pas au théâtre sans te rappeler que nous y sommes allés ensemble. Elle ne criera pas une parole d'amour qui ne m'ait échappé. Elle ne te fera pas une caresse que je ne t'ai faite. Tout cela, je puis te le dire, car je l'éprouve. Depuis que je t'ai abandonné, Maurice, je n'ai plus ni joie, ni plaisir. Partout, tu m'as manqué, partout, j'ai pensé à toi et je t'ai appelé. Ton avenir sera pareil au mien. Non, s'écria-t-il en faisant un effort pour échapper à cette parole qui l'attirait et l'enveloppait. Car ce que vous prédisez, je l'ai déjà essayé. Me promenant ici, dans votre parc, ce n'est pas à vous que j'ai pensé, mais à celle que j'aime. C'était dépit. Tu ne savais pas que toujours je t'aimais. D'ailleurs, qu'a-t-elle pour te retenir, cette jeune fille? Et comme Maurice faisait un geste de confiance. Elle est jolie, je le veux bien. Mais elle est gauche, elle est maladroite, elle est rousse, elle est maigre. Voyons, a-t-elle mes cheveux? Et elle enfonça ses mains blanches dans ses beaux cheveux noirs. A-t-elle mes yeux? Et elle lui darda un regard passionné. A-t-elle mes bras? Et relevant son peignoir de batiste, elle montra ses bras fermes et blancs. Il avait jusqu'alors assez bien résisté. Ses paroles l'avaient ému, elle ne l'avait point vaincu. Mais l'éloquence d'une femme n'est pas dans ce qu'elle dit, elle est dans la manière dont elle le dit. Ce qui entraîne, c'est un mouvement de lèvres. Ce qui touche, c'est la blancheur des dents. Ce qui persuade, c'est l'accent de la voix. C'est le feu de l'œil, c'est la fraîcheur de la chair, c'est la grâce des attitudes. Quand c'est un ancien amant qui écoute, ce qui le dompte, c'est le souvenir. En la regardant, il se rappelait que ce mouvement de tête, elle l'avait eu dans un certain jour de bonheur. Que ce pli de lèvres annonçait autrefois une caresse. Que ce coup d'œil précédait un élan d'amour. Elle vit l'avantage qu'elle obtenait et se hâta de poursuivre. « Et quand elle serait, dit-elle vivement, plus belle que moi, a-t-elle mon expérience ?»« Ah, Maurice, ce n'est pas de dire une fois j'aime. » Qui est difficile, c'est de le répéter tous les jours sans se répéter jamais. Et puis, soyons francs, lorsqu'elle me serait supérieure par ses côtés. Et elle se souleva pour lui jeter d'une voix basse ses mots dans l'oreille. A-t-elle eu notre passé? A-t-elle notre corruption? Il la regarda en face, mais elle, sans baisser les yeux. Ah, ne gardons pas d'hypocrite ménagement. Nous avons fait une assez cruelle épreuve de la vie pour qu'elle nous serve. Et nous sommes descendus assez bas dans la réalité pour ne plus remonter sur les sommets éthérés. Elle est innocente, n'est-ce pas, la jeune fille? La façonneras-tu à ton image? Ou bien reviendras-tu ce qu'elle est elle-même? Nous nous appartenons bien, va, et demander le bonheur à d'autres qu'à nous-mêmes est niaiserie et témérité. Ne fais pas le malheur de cette jeune fille si tu l'aimes. N'essaie pas du mariage pour me revenir dans un an, comme moi-même je suis revenu à toi. Il était haletant sous cette parole brûlante, sous ses regards passionnés. Il voulait se défendre, les paroles se pressaient dans sa tête. Il était venu pour accuser, pour humilier, pour se venger. Il en avait plein le cœur à jeter à la figure de Marguerite. Il sentait qu'elle le trompait, il rougissait de sa faiblesse. Il cherchait à défendre Armande, cependant, il ne pouvait placer un seul mot. Il voulait ne point écouter, ne point regarder, mais il voyait trouble. Et Marguerite lui murmurait à l'oreille. Ah, tu crois à mes remords, n'est-ce pas? À mon repentir, à ma douleur, à mon amour, cher Maurice. Vois comme je t'aime. Dans ses mains, lui prit les mains. Vois comme je tremble. Elle se serra contre lui. Vois comme mon cœur bat. Elle le pressa contre sa poitrine qui se soulevait. Il oublia sa vengeance, son amour, son mariage, Armande. Il ne vit plus que Marguerite. Nous sommes fous, dit-il faiblement. Habituée à juger par l'accent de Maurice des vraies dispositions de son âme, elle devina. Aussi ne fut-elle ni surprise ni troublée de se trouver sur sa poitrine au moment même où il lui disait « Nous sommes fous ». Autour d'eux, la nuit se faisait. Ils étaient seuls, ils étaient dans les bras l'un de l'autre. Quelle influence efficace pourrait désormais arracher Maurice à cette séduction victorieuse? Qui pourrait désormais l'arracher à Marguerite? Mais nul secours, nul auxiliaire. Tout à coup s'éleva sur la mer une voix qui chantait « Robert disait à Claire, je t'aime avec ardeur ». Maurice se dégagea. « Qu'as-tu ? » s'écrie Marguerite. « Fuis-moi, je t'en supplie, par tes douces vertus. » « Parle, » reprit-elle, « tu me fais peur. Ne me crois-tu pas quand je te dis que je t'aime ? et que je t'ai toujours aimé, quel serment veux-tu ? » Puis, tout à coup, en souriant comme si elle eût compris, « Ah, je devine, mon mari. Mais il a pris ma fortune, moi j'ai pris son nom, voilà tout, grand enfant. » Il restait toujours immobile. Elle lui passa les bras autour du cou et d'une voix pleine de câlinerie, « Tu m'aimes, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle. Il la regarda avec des yeux terribles. Elle se haussa jusqu'à lui et chercha ses lèvres, mais il la repoussa brusquement et l'éloignant au bout de son bras. « Celle que j'aime !» s'écria-t-il, « ce n'est pas toi, c'est celle qui chante là-bas, c'est Armande !» Et la repoussant, il s'enfuit. En quelques secondes, il fut dans le jardin, et laissant le parc sur sa gauche, il alla vers la lande. Bientôt il y arriva, et il l'aperçut à une courte distance, éclairée en plein par la lune qui se levait, l'albatros immobile sur la mer calme et argentée. Il s'approcha, à la limite extrême de la falaise, et il chanta le second couplet de la romance qu'avait chantée Armande. « Robert, au pied de Claire, lui dit, reçois ma foi !» Quand il fut arrivé sur la grève, l'albatros était rapproché et l'on apercevait distinctement le groupe des amis. « Reste là, » dit le docteur, « on va te prendre !» On revint lentement à la rame sur une mer unie comme un miroir, sous un ciel constellé d'étoiles. Martel fit tous les frais de l'entretien. « Monsieur, » dit Marie-Ange quand on fut rentré, « il y a une lettre pour vous. » « De Paris, » s'écria le docteur l'ayant prise, « de Maître Blanchet. » Il ouvrit une feuille de papier timbré pliée en quatre et lut fort joyeusement. Par-devant, Maître Blanchet, son collègue, notaire à Paris, a comparu. M. Pierre Denant de Kergomard, ancien chef de bataillon, demeurant à Paris, cité Fénelon, lequel a, par ses présentes, déclaré consentir au mariage que se propose de contracter Mademoiselle Charlotte Armand de Kergomard, sa fille, demeurant à Pleurac, chez son grand-père, avec M. Maurice Berthaud, compositeur, demeurant à Paris. Puis se tournant vers Maurice et Armande, « C'est aujourd'hui mercredi. Il faut deux dimanches pour les publications. La noce se fera dans 3 semaines. Embrassez-vous, mes enfants. »« Martel, » dit Maurice, « tu me feras l'amitié d'être mon garçon d'honneur. »« Quand Audrey sera revenu, » poursuivit M. Michon, « j'irai l'inviter à être celui d'Armande. »